journées sont imbibées et laissent parfois mon attention se fixer sur le téléviseur. Mon esprit reste distrait face à l'intérêt des émissions. Les électrons rapides heurtent le verso de l'écran imperceptiblement. Une image pourtant jaillit du récepteur, je me sur ma rétine. De sa netteté, l'acteur qui a d'essayer tant d'interpréter la psychologie des personnages. Dans cette périphrase du réel, les répliques préécrites se répondent, les points de vue se succèdent dans une syncope de plans dénués de sens. Rangé en petite spray dans la profondeur plate de la perspective, le sujet est abstrait.